Le 8 août, l'escadrille de bombardiers stratégiques nucléaires B-1B des États-Unis a perpétré dans l'espace aérien sud-coréen une nouvelle provocation militaire. C'est un chantage et une menace contre notre pays. Deux B-1B venus en renfort à l'île de Guam ont livré les exercices de frappe contre les objets stratégiques de notre pays au champ de tir de Sangdong, escortés par les bombardiers de combat sud-coréens.